nous deux, heureux. Heureux d'être tous les deux sous le ciel de la Riviera. Le soleil est comme un feu de joie et l'amour mène le jeu sous le ciel de la Riviera. Quand tu te blottis au creux de moi, bouquet d'écume que nous offre la mer et qui parfume nos deux corps au goût de sel, je découvre par tes yeux tout le ciel de la Riviera. Heureux d'être si heureux par toi. Bouquet d'écume que nous offre la mer et qui parfume nos deux corps au goût de sel, je découvre par tes yeux tout le ciel de la Riviera. Heureux d'être si heureux par toi.